Voilà, merci de nous recevoir chez vous, comme tous les jours, hein, où on parle de témoignages. En tout cas, nous, ça nous fait du bien. Nous sommes encore là pour parler témoignages. Transformation, c'est bien l'intitulé de cette émission qui fait l'apologie de Jésus-Christ par le témoignage de ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont accepté, ceux qui l'ont expérimenté. En ce jour encore, nous n'allons pas déroger à la règle qui voudrait qu'on puisse dérouler le témoignage en certainement peut-être deux émissions. On le saura au cours de cette émission. Nous recevons pour vous un bien-aimé qui n'a pas voulu faire dans la dentelle pour dérouler son témoignage, qui est vraiment très intéressant. Je préfère vous le dire pour vous aguicher et pour vous attirer, pour attirer votre attention. En tout cas, c'est un témoignage qui va vous faire du bien parce que cela dénonce assez les pratiques dans le monde des ténèbres. Et puis, essayez donc d'apporter la lanterne, de nous donner, d'ouvrir un peu notre esprit sur le monde spirituel afin d'être mieux outillé pour éventuellement apporter la réplique à l'ennemi. Nous allons recevoir donc quelqu'un. Et je m'appelle Yamiogo Rogo Yves. Je viens de Burkina. Mm-hmm. Et plus précisément, tu es de quelle ethnie? Je suis Moussi, 100%. Papa s'appelle Yamiogo Tchendeba. Mm-hmm. Et ma mère s'appelle Wedrago Sizam. Mon papa a 12 femmes, 120 enfants. Et ta mère avait combien d'enfants? Ma maman avait 7. 7 enfants. C'était moi le dernier, moi et puis ma jumelle. Je suis un jumeau. Mm-hmm. Voilà. Alors, on va donc aller donc feuilleter un peu les pratiques côté du Burkina. Mm-hmm. Alors, tu es Moussi, tu l'as dit, tu as décliné ton identité. Là-bas, dans votre village, d'abord, le village s'appelle comment? Le village s'appelle Kassoum. Kassoum. Oui. Alors, là-bas, quelles étaient les pratiques, les croyances même, dans le village d'abord? Ils adoraient les fétiches, mm-hmm. les serpents et les masques. D'accord, on va aller pas à pas. Comment ça se faisait? Au village, avant d'aller adorer ses fétiches, le village commence premièrement le jeudi. Mm-hmm. À partir de minuit, il choisit chaque famille une seule personne. Et ces personnes, ils se regroupent 100. Mm-hmm. Et dans les 100, tout le monde se déshabille. Et qu'ils viennent dans un lieu mm-hmm. pour pouvoir marcher, aller. Mais nous, dans les 100 aussi, on enlève 15 personnes. Mm-hmm. Et puis, on va leur apporter les masques. D'accord. Si je comprends bien, on choisit au moins une personne dans chaque famille. Oui, oui. Et la sélection de personnes doit faire au moins 100. 100, oui, 100. Personnes. Oui. Et dans les 100 personnes, on enlève 15 personnes. Ces 15 oui. personnes sont préparées pour quoi? Pour porter les masques, pour croiser le serpent. D'accord. Donc, il y a un serpent, il y a un serpent qu'il faut adorer, c'est ça? Oui, oui. Donc, ça se prépare à la veille, c'est ça? Oui, à la veille. Mmh. Qu'est-ce qui se passe la veille? Oui? À la veille. La veille, c'est quand? C'est un mardi? C'est un vendredi. La veille? Non, oui. C'est-à-dire avant le jour? Avant le jour, c'est un jeudi. Mmh. C'est jeudi nuit. Et ils se retrouvent. Et que quand les 100 sont là, on enlève 15 personnes. Et les 15 personnes, avant qu'ils portent les masques, on les donne à boire. Il passe un canari, c'est un fétiche. Et puis, on a mis des produits dedans mm-hmm. pour que chacun puisse boire. Et les 100 aussi boivent dedans. Après ça, on fait sortir les 15. Et que les 15-là, on les prépare pour qu'ils boivent encore, pour qu'ils puissent croiser le serpent. Mm-hmm. Sinon, pas possible. Sinon, c'est pas possible. Oui. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand tout ça a été fait, on a mis les 100 personnes, on a enlevé 15, ça fait donc 85. Les 15 personnes ont été préparées, elles ont bu une potion quelque part. Ouais. Et maintenant, le reste du rituel. À 1h du matin, mm-hmm. s'ils ont bu comme ça, ils s'en vont maintenant pour croiser le serpent. Et c'est ceux qui ont porté les masques, les 15 personnes sont devant. Mm-hmm. Et ceux qui sont nus sont derrière. Maintenant, ils dirigent vers la mare. Les 15 personnes ne sont pas nues aussi? Les 15 personnes, ils sont nus aussi. Donc, tout le monde est nu. Oui, ils sont nus, mais comme eux, ils ont porté les masques, on ne voit pas. Mmh. Quand tu portes les masques, c'est jusqu'au pied, mmh. les 15 personnes. Mmh. Mais les autres, ils sont nus, ils n'ont rien porté. Mmh. Voilà, donc, ils dirigent vers le serpent. Quand ils commencent à marcher, il y a une cloche qui fait cloum, pla, cloum, pla, cloum, pla. Quand le serpent entend ce bruit, il commence à venir. Et quand il vient, il croise devant les 15 personnes d'abord. Et quand il les croise, il les dirige vers la barre. Et quand il arrive là-bas, lui, il rentre dedans. Quand il rentre, et puis ceux qui sont nus, mm-hmm. entoure la mare. C'est au bord du village. Mm-hmm. Il entoure la mare. Mm-hmm. Maintenant, ceux qui ont porté les masques, ils rentrent dedans, comme les serpents, ils rentrent premièrement. Mm-hmm. Et eux aussi, ils rentrent. Quand ils rentrent, maintenant, ceux qui ont entouré la mare, ils s'asseyent. Et puis, ceux-là aussi, ils plongent dedans avec le serpent. Le serpent. Voilà. Et puis maintenant, on commence à mener les moutons, les bœufs, les cabris. Maintenant, même la tête d'un homme. Parce que la mare cherche ça. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices d'animaux, mais aussi il y a des sacrifices humains aussi qui humains, se font. Humains, oui. Et c'est cet sacrifice humain qui fait que la mare ne t'arrive pas. Donc chaque fois, même s'il n'y a pas de l'eau au Burkina, chaque fois, au moins, là, il y a au moins de l'eau, c'est oui, ça? Oui. Donc les serpents, vous savez, quand il est quitté pour les croisés, avant tout ça, le serpent, il entoure le village. Il entoure le village à chaque moment. Mais quand ils veulent, le jour qu'ils veulent croiser le serpent, le serpent ne sort pas. Parce qu'il doit venir croiser. Donc, le jour du vendredi, il ne peut pas venir. Il ne peut pas venir. S'il vient, bon, il ne peut pas croiser ceux-là. Mais il faudrait qu'il vienne croiser ceux-là. Mais le samedi nuit, il va encore faire son tour du village. Et après donc avoir tué les animaux, les gens restent là-bas pour pouvoir manger ça. Oui, ils mangent ça. Et puis maintenant, il se lève. Quand il se lève, il veut venir à la maison. Il y a un vautour qui les accompagne. Le vautour, lui, n'est pas là. Il n'est pas là. Le moment qu'il faisait les trucs, les incarnations, mangeait, tout, le vautour n'est pas là. À leur départ, il y a un vautour qui apparaît comme ça. Oui. Mais regarde, leur premier tour, quand ils partaient premièrement, il y avait un serpent qui les dirigeait. Mais leur retour, il y a un autre animal encore qui les dirige encore. Voilà, c'est comme ça. Un animal qu'on appelle le vautour ou le chalognard. Voilà, c'est comme ça. D'accord, maintenant qu'est-ce qui se passe? Il est conduit et puis qu'est-ce qui se passe il après? Il est conduit jusqu'à arriver au milieu du village et puis le vautour s'en va. Et si le vautour s'en va comme ça, le vautour doit revenir le lendemain matin pour prendre ce que lui il doit avoir. Et ce que lui doit avoir, c'est ce que le village doit faire. Tuer les moutons, les bœufs, les cabris, tout ce qui est viande. Voilà. Donc, quand eux viennent à partir de 5h du matin, le chalognard, pour attendre les gens, pour que les gens puissent venir donner ce qu'eux doivent avoir. Donc si je comprends bien, est-ce que il y a la part du vautour qui est mise à part quand il doit revenir là? Quand il revient vers 5h du matin, qui est là pour savoir qu'il est revenu? Mais quand le village, à partir de 5h, ils sont en haut, ils sont en bas, ils sont partout dans le village. Donc le village même savent que le vautour est prêt. Donc avant de tuer le bœuf ou le cabri ou le mouton, ils savent qu'il n'y a pas de vautour là. Parce que le mois qu'il tuait, le vautour est en haut. Et même ils voient ça. Et puis ils sont en bas aussi. Et il y a un lieu, ils sont beaucoup. Et c'est cet lieu-là, là où le chef du village, où le village doit se trouver, ils sont beaucoup dedans. Donc quand le vautour vient, son plat est là. Son plat est là. Et il mange ça et puis il s'en va ou bien il prend ou parti. Il mange avec les hommes. À ce moment, les hommes aussi en train de manger. Eux aussi en train de manger. En tout cas, c'est quelques pratiques du village. Et on va parler maintenant de ton père. Quelles étaient ses pratiques? Il s'appelle Yamiro Tchendeba. Bon, il était un ancien combattant. Il a fait Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est ça, on l'appelle Yamiro Tchendeba. Tchendeba veut dire quelqu'un qui a marché. Il a marché de l'Afrique en Europe, de l'Europe à l'Asie, bon, ainsi de suite. Donc mon père, il était un grand féticheur, un mystique. C'est pour cela qu'il a pu faire la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Selon lui, c'est ce qu'il nous a dit. Que lui, il est un grand féticheur, il guérissait les gens aussi. Il avait une petite maison qui est construite en banco. Il n'y a pas fenêtre, il n'y a pas porte, il n'y a pas tôle. Et chaque fois il veut aller en guerre, à chaque fois il veut guérir quelqu'un, il faut qu'il rentre consulter avant de sortir. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de porte, mais il arrive à entrer quand même. Oui. Comment il fait? Comment avant, il faisait? Si il s'en va vers la porte, il tourne son dos contre le mur et puis il baisse une fois, deux fois, troisième fois, il est dedans. Il est dedans, mais on ne sait pas comment il fait, mais est-ce qu'il est dedans? Il rentre. Quand il rentre, il rentre c'est un jeudi matin à partir de 8h qu'il rentre. Mm-hmm. S'il rentre à jeudi, il ne doit même pas toucher femme. Il ne touche personne. S'il rentre, il sort vendredi. Il sort vendredi à 18h. Nous, on ne sait pas ce qui est dedans. Mais quand je vois, quand il sort avec de l'argent. Il sort avec des feuilles. Il sort avec des cahiers même. Il sort avec des têtes. Bon, des têtes de camélions, de façon de trucs comme ça. Mm-hmm. C'est pour se soigner. Il sort avec des bas, des amélières, tout ça. Mm-hmm. Voilà. Et les gens venaient le consulter. Oui, les gens venaient beaucoup. Mm-hmm. Et que les AF savent qu'il doit sortir, mais c'est samedi. C'est samedi, puisque les gens savent qu'il rentre jeudi. Il rentre jeudi vers 8h. Oui, et il ressort vendredi vers 18h. Voilà, donc il se repose. Mais pendant ce temps, il parle à les gens. Non, il ne parle pas. Mais lui-même, il est dedans. Ses femmes même savent, ses d'autres femmes même savent qu'il ne doit même pas approcher. Personne. Personne ne doit lui parler. Lui aussi ne doit parler à personne. Il ne parle pas avec quelqu'un. Donc, il sort à partir de 10h, samedi matin, mm-hmm. à 10h. Et que quand il sort comme ça, les gens sont pleins. Mm-hmm. Les gens sont beaucoup. D'autres veulent bébé, d'autres veulent enfant, d'autres veulent être guéri. De façon mystique, en tout voilà, cas. Voilà, façon mystique. Mm-hmm. Comme il travaille comme ça, il y a des ennemis. Il y a des gens aussi qui disent souvent aussi, quand ils partent là à la maison, ils disent que l'enfant est mort. Mm-hmm. Et puis ils sont contre le papa. Quand ils viennent, ils insultent le papa. Ils disent, papa, toi, tu dis que l'enfant ne va pas mourir, mais mon enfant est mort, bon, ce qu'il y a, tu vas voir. Donc le papa aussi est fâché. Donc le papa aussi, quand il se fâche comme ça, il prend le tonneur. Il envoie la personne, la foudre, pour battre la personne. Si le papa dit un mot, ça ne rate pas. S'il dit il va te tuer, il va te tuer. Que tu montes, que tu descends. Mm-hmm. C'est ça, lui aussi, son fort. Donc le village avait peur de lui. Si le papa, on lui dérange seulement, il ne se contrôle plus. Donc il commence à agiter. Donc après encore, il dit que le tonnerre n'est pas suffisant. Mm-hmm. Donc il avait une bague sur son sexe. Et cette barre-là fait qu'on ne peut pas le tuer. Où il rentre, il peut rentrer. Même s'il y a la police, même si les banques même. Ça le faisait disparaître aussi, oui. Oui, oui. Lui-même, il se disparaît avec ça. Quand il met dedans, mm-hmm. sur son sexe, il se disparaît. Il peut disparaître, aller prendre l'argent à la banque. Mm-hmm. Beaucoup même. Et puis la banque, là, les gardiens, personne ne va savoir. Il peut disparaître, aller en Europe. Il peut disparaître, être au Burkina même. Il peut être en Côte d'Ivoire. Il peut être partout là où il veut. Mm-hmm. Et il revient. Donc c'est un homme mystique. Mais ce pouvoir-là, comment lui-même il a eu ça? C'est les démons, les génies. C'est les génies qui l'ont donné. Ils lui ont donné ça. Oui. Son père n'était pas comme ça aussi? Si, son papa était comme ça. Mm-hmm. Et son papa, tu l'as transmis. Souvent aussi, quand il voit que la situation est grave, et que les ennemis sont entourés. Mm-hmm. Et qu'il voit que, comme lui, il envoie le tonneur. Il y a des gens aussi qui ont le tonneur. Donc, lui, il ne peut pas dormir. Le moment qu'il pleut, pendant que les gens sont dans la maison, lui, il sort, il s'arrête devant sa porte, mm-hmm. pendant qu'il pleuvait. Parce que s'il rentre dedans, celui qui a le tonneur aussi peut l'envoyer. Donc, quand lui, il est dehors, il voit ça. Dès que la pluie va finir. Quand lui voit ça, il l'envoie à la personne. Donc lui n'a pas peur pendant que le tonnerre gronde là. Il n'a pas peur parce qu'il voit qu'il y a son ennemi là-bas. Qui l'amène. Mm-hmm. Il y a un ennemi qui amène contre lui. Donc lui n'a pas peur, il s'est préparé pour ça. Donc lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il l'envoie à la personne. Mm-hmm. Et que si quelqu'un même sort comme ça, il voit comment il est en train de s'amuser avec le tonnerre. Il n'a même pas peur de ça. Parce qu'il se disait qu'il est fort. Mm-hmm. Alors, amis auditeurs, si vous nous prenez maintenant en marche, sachez que vous êtes à votre émission Transformation. Et Transformation reçoit aujourd'hui Yamiogo Rago-Yves. C'est le prophète Yamiogo Rago-Yves, qui est burkinabé, plus précisément Mossi. Une famille polygame de 12 femmes et de près de 122 enfants. Alors, son père et sa mère sont burkinabés. Sa mère a 7 enfants, lui-même c'est un jumeau. Nous le recevons dans les cas de témoignages et c'est de bonne guerre, il nous entretient, en tout cas, il ne nous fait pas dormir comme on dit. C'est pas du tout monotone, c'est vraiment un témoignage qui est déjà riche. Avec lui, certainement, nous allons consacrer 2 émissions à son témoignage. Nous allons maintenant parler de ton enfance. Oui. Mm-hmm. Ta naissance a été quand même un peu bizarre. C'était vraiment bizarre. Mm-hmm. Puisque quand ma maman a pris grossesse, quand elle est arrivée à l'hôpital, mm-hmm. les médecins ou les docteurs disaient que bon, le ventre n'est pas gros. Donc cette femme-là, elle peut accoucher facilement. Donc quand on l'a mis sur la table, effectivement, elle a accouché. Quand elle a accouché, bon, les placentas. Oui, placenta. Bon, la placenta est sortie. Mm-hmm. Et c'était un docteur même qui était là. Et ce docteur a dit que comme l'enfant est venu, c'est une fille. Donc on peut prendre la dame là, aller dans sa chambre. Quand on l'a mis là-bas, la dame là, elle se souffrait. Ma maman, elle souffrait toujours. Mm-hmm. Maintenant, le docteur est revenu. Puis donc, il y a un enfant qui est sorti. C'était une fille, c'est ça? Oui, c'était une fille. Mm-hmm. Et puis, ils ont pris le placenta. Placenta là pour le jeter là. Mm-hmm. Voilà. Bon, ils n'ont pas jeté, ils ont parti avec ça au d'accord. village, mm-hmm. chez nous. Donc, ma maman est repartie sur sa chambre, mm-hmm. en train de regarder son enfant, la fille là. En un coup, son ventre commence à faire mal. Et puis, ils ont fait l'appel. Il y a une dame qui l'a accompagnée. Mm-hmm. Elle est sortie appeler le docteur. Le docteur est arrivé et dit non, que c'est le placenta là qui est toujours dedans. Mm-hmm. Donc, tout n'est pas sorti. Mais tout va sortir. Donc, de ne pas être pressé, de laisser ça comme ça. Vu que la maman, elle est en train de crier encore. Elle a crié qu'il y a quelque chose qu'elle est en train de faire. Elle, train de toujours... elle sentait quelque chose bouger là-bas. Oui, bouger et puis ça lui faisait mal. Mm-hmm. Donc, il y a une femme, une sage-femme mm-hmm. qui est arrivée. Ils disent que non, que c'est toujours la placenta qui est mmh. toujours dedans. Mmh. Donc, de laisser, ça va passer. Que ma maman ne peut pas tenir douleur. Alors que ce n'était pas ça. Donc, un coup, c'est la dame qui l'a accompagnée même, qui l'a poussée. Elle dit, faut venir aller voir le docteur. Quand ils sont arrivés, le docteur dit donc, faut te coucher sur la table. Quand on l'a mis sur la on table. On l'a mis sur la table. Voilà. Mmh. L'enfant est sorti, un garçon. Alors qu'on pensait qu'il y avait un seul enfant. Oui. C'était la fille. C'était et puis voilà fille. Qu'elle se plaint de douleur. Oui. On l'a fait coucher encore et puis on l'a fait accoucher. Voilà. D'un garçon qui était toi. Ouais, c'était moi. C'était Yves Amiogo. C'est ça, on m'a donné Rago. Uh-huh. Rago veut dire qu'il mm-hmm. ne savait pas. Mmh. Rago veut dire que, oui, il ne savait pas. Il a dit que garçon. Il ne savait pas qu'il y avait un autre garçon qui était derrière. Mmh. Et ils ont cru une seule fille. Mm-hmm. Car il y avait la femme là, il y avait son mari qui était derrière. Mm-hmm. Ça, on appelle Rago. À notre itinime aussi. Donc, quand on est né comme ça, parmi les enfants de mon papa, c'était ma maman qui a fait les jumeaux. Parmi ces 12 femmes. Mm-hmm. Et que parmi nous, on est beaucoup, on est 100 et quelques, 120 et quelques. Donc, c'était nous. Donc, mon papa, comme il adorait les fétis, c'était un mystique. Bon, certainement, les mystiques disent que non. Il faut qu'ils fassent des idoles pour les deux. Mm-hmm. Parce qu'ils sont venus comme ça, ce n'est pas pour rien dans la famille. Il y a quelque chose qui doit se passer. Donc, il a construit deux idoles. Mm-hmm. Moi et puis ma les hôtels. Voilà, les hôtels. Mm-hmm. Donc, il se trouvait que dans les hôtels aussi, c'est même choqué ce que lui faisait. La mm-hmm. maison que lui, il a construit. Ni porte, ni fenêtre. Ni là. Porte, ni fenêtre. Mm-hmm. Mais pour nous, c'était petit. On ne peut même pas se tenir debout. Mm-hmm. Parce que nous, à ce moment, j'avais l'âge de 10 ans quand il a commencé à faire ça. Mm-hmm. Donc, moi, Jimel doit rentrer. Moi aussi, je dois rentrer dans ces hôtels. Mm-hmm. Il se trouvait que le moment que ma Jimel veut rentrer, elle est malade. Elle tombe malade. Mm-hmm. Donc, il se fait qu'il ne peut plus. Donc, c'est moi que mon papa a dit qu'il faut rentrer. Quand il dit qu'il faut rentrer, je rentre. Je ne sais même pas comment moi je fais pour rentrer dedans. Mm-hmm. Puisqu'il n'y a pas porte, il n'y a rien. J'ai 10 ans, je n'ai pas la force pour pousser, dire que voilà pour rentrer. Mais quand même, tu te vois rentrer là-bas. Je suis rentré. Mm-hmm. Mais quand, par rapport à ta jumelle, elle, chaque fois qu'elle doit rentrer la veille, elle tombe malade. Elle tombe malade. Donc ça fait que. C'est quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre. Hein? Oui, oui. Pour toi, ça réussit, mais pour elle, ça. Voilà, ça ne réussit jamais. Mm-hmm. Le moins que ça veut dire ici, elle tombe malade. Alors moi, ce que je veux savoir, c'est parce que vous êtes nés jumeaux que ton père a construit ces hôtels là pour vous, c'est parce qu'il était content bien chez les Burkinabés, les jumeaux là, il y a une chez valeur, les Burkinabés, chez les Burkinabés, mm-hmm. il y a des trucs comme quand tu as un jumeau dans ta famille, mm-hmm. il faut que le père fasse cela. S'il mm-hmm. fait pas cela, les deux jumeaux vont mourir. Si les deux ne meurent pas, il y a un qui va partir. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la coutume qui veut ça. C'est la coutume. Notre coutume. Je ne peux pas dire tous les Burkinabés, mm-hmm. mais notre coutume. Mm-hmm. Notre coutume. C'est à Kassoum, là. Voilà, Kassoum. Chez les Moussis. Voilà. Kassoum, le Villa Kassoum. D'accord. C'est et donc là où je parle même, mm-hmm. ceux qui connaissent Kassoum, ils savent déjà ce que j'ai en train de dire. Mm-hmm. Et quand je rentre comme ça, mm-hmm. les génies me montrent beaucoup de choses. Déjà, dès le bas âge, à 10 ans déjà, si, les génies t'apparaissaient. Oui, ils m'apparaissaient déjà. Quand je rentre comme ça, je ne rentre pas pour zéro. Mm-hmm. Je rentre pour quelque chose. Quelque chose. Voilà, sinon papa ne pouvait pas faire ça. Si papa a fait ça, parce qu'il y a quelque chose qui doit bénéficier. Mmh, voilà. C'est donc, ça. Et quand je rentre comme ça, mmh. il vient me donner des amulettes, des feuilles, des bagues. Bon, c'est un choc comme le début que papa mmh. avait aussi. C'est ça. Voilà. Parce que lui aussi, quand il entrait, il sortait avec voilà. des courriers, des voilà. amulettes. Et puis moi, je voyais comment il faisait. Mmh. Et puis souvent, je vois un homme noir comme ça qui vient. C'est les génies là qui t'apparaissent. Oui, oui. C'est des génies même. D'autres ont de gros chiens, bon, façon comme ça. Ils sont pas beaux en tout cas. Non, ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Moi-même, je suis beau que eux. Oui, donc, quand je sors, comme c'est un enfant, quand je sors comme ça, mm-hmm. Mon papa maintenant, comme lui connaît, il prend. Souvent, même moi, il dit, mais toi, tu connais pas, laisse-moi. Il dit, lui connaît que de me taire. Mm-hmm. Donc, je lui donne. Quand je lui donne, il prend ça, il donne les gens qu'on cite. Les gens viennent et puis les donnent. Si tu es en mode rien, si mon papa dit qu'il faut courir, sauter un mur, quand tu sautes le mur seulement, tu es guéri. C'est cela. Donc, quand je rentre comme ça, dans les hôtels, quand je vais sortir, il y a mon papa qui est là, ma maman qui est là, ma jumelle qui est là, mes marates. Il y a d'autres qui viennent assister. Parce que le jour que je dois sortir. Donc, quand ils valent comme ça, mes marates, là, ils ne sont pas contents. Ils sont jaloux de moi. Donc, ils commencent à me forcer, me faire du mal. Les marates étaient jalouses. Oui, ils étaient jaloux vers pourquoi? Moi. Parce qu'elles voyaient que tu pourrais remplacer un jour ton père. Oui, le vieux, ouais, ouais. Ton père aussi voyait ça en toi. Oui, papa, il voyait ça en moi. Mm-hmm. Donc, à chaque chose, si je ne suis pas là, il n'est pas content. Mm-hmm. Même si je pars en voyage, il va faire tout possible dans ses fétiches pour que moi je revienne. Après ça, maintenant, comme je suis enfant, je commence à grandir. Mm-hmm. Donc, j'ai dit à mon papa que je vais jouer ballon. Mm-hmm. Et puis mon papa dit, mais c'est bien. Si tu vas commencer à jouer à l'âge de 15 ans, 16 ans, il n'y a pas de problème. Donc, je vais aller à Ouaga voir les chefs qui sont là-bas. Comme je les connais, ils viennent chez moi. Donc, c'est ça maintenant, ils sont partis voir et que j'ai commencé à jouer à l'étoile finale de Ouagadougou, le premier division, mm-hmm. EFO, qu'on appelle EFO. EFO, oui. Ouais. Et mes collègues même savent ça déjà, le moment que je vous parle comme ça, si j'attends le nom, Yamiro Rogo Yves, ils savent déjà, El Gaucher. Mm-hmm. Voilà, c'est moi le El Gaucher qui jouais l'étoile finale de Ouagadougou. Ah bon, tu étais très bon, hein? Très bon, si tu n'es pas bon, on ne peut pas te donner capitaine. Est-ce que tu utilisais le mysticisme là, si, dans le foot? Mais c'était ça ma vie. Mm-hmm. Comment ça se faisait? Le moment qu'on en marche, je connais déjà combien moi je dois marquer et combien l'équipe doit gagner. Ou bien si on ne va pas gagner, je sais. Le jour là, j'ai mal, je dis je suis malade. Parce mm-hmm. qu'on ne peut pas refuser. Donc, moi, j'ai fait tout mais possible. Mais tes pouvoirs ne pouvaient pas faire que vous puissiez gagner. Si, on pouvait, mais l'équipe, fallait que toute l'équipe vienne. Mmh, c'est ça aussi. Mais alors qu'on ne pouvait pas tout. Ça veut dire que toi-même, tu t'es mis à ton propre compte. C'est vrai que tu avais 10 ans, après tu as eu 15 ans, voilà. Puisque les génies t'apparaissaient. Oui, oui, c'est à partir de 17 ans, quand j'ai commencé à jouer ballon. Que tu t'es mis à ton propre compte. À l'étoile finale de Ouagadougou, que j'ai pris. Parce que quand je suis sorti comme ça, aller à Ouagadougou, mes yeux sont ouvrés. J'ai vu beaucoup de choses. Puisque j'étais au village, je ne voyais pas beaucoup de choses. Quand mon papa m'a amené à Ouaga, j'ai commencé à voir beaucoup de choses. J'ai vu mes collègues, ils me donnaient des conseils, tout ça. Donc, j'ai commencé. Mais quand on joue ballon comme ça, les filles là sont là. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire quoi? Les filles sont là, ça veut dire quoi? Les filles, puisque j'ai sorti avec eux, comme j'ai joué ballon et puis j'étais aimé, donc je sortais par jour, même 10 filles. Hein. Tu sortais avec elles quoi? Ouais, ouais, je cherchais vraiment le plaisir avec eux, parce qu'eux, ils voyaient que j'étais beau, j'étais joli, j'étais vraiment solidaire, et puis j'avais l'argent, et puis mon nom, quand une fille est enceinte, je viens, je peux avorter, mais malheureusement, j'ai tué beaucoup de gens aussi. Il y a des gens qui sont venus te consulter. Si, venez me consulter. Pourquoi comme ça? Par exemple, si tu cherches sa femme, chez nous, le Burkinabé, c'est ça, c'est surtout les femmes. Mm-hmm. Si un homme a cherché femme de quelqu'un, bon, il vient me voir, il dit que ah, cet homme-là cherche mon enfant, ou cherche ma femme, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose? Il dit, mais la solution, bon, on ne peut pas, mais si on peut, c'est pour tuer. Mais malheureusement, il y a eu plus de cas comme ça. Donc, il y a eu des cas de folie aussi. Oui, oui. J'ai rendu d'autres folies, d'autres fous. J'ai rendu d'autres aussi stériles. Ils ne donnent pas enfants parce qu'ils sont sortis avec telle femme. Ou bien telle femme est partie là. Et puis j'ai rendu d'autres même accidents. J'avais ce pouvoir-là. Même dans le ballon aussi, si on voit que l'équipe veut nous gagner, on fait que toute l'équipe là devient fou même. Il ne va plus le ballon là. Ah bon? Ouais. Ah, ça c'était vraiment malheureux. Hein. Alors ça c'était vraiment dans l'ignorance quand ils ne connaissaient pas le Seigneur. Alors nous étions en séjour avec Yamugo Rago Yves, qui est burkinabé et qui nous visite en séjour pour donner son témoignage. Nous sommes à la fin de ce moment. Mais la semaine prochaine, on vous promet de le retrouver par la grâce de Dieu, parce qu'il va nous dire encore des choses. Avec lui, on va faire certainement deux séances. Que Dieu le bénisse, et puis que Dieu bénisse aussi Ephraim Dadia qui était derrière la baie vitrée. Nous autres, nous sommes presque à Iman. Pour l'heure, portez-vous bien, et puis au revoir par la grâce de Dieu. Shalom à tous, bienvenue à ce temps d'antenne qui privilégie les preuves testimoniales, les preuves par le témoignage. En ce jour encore, nous sommes très heureux de recevoir le prophète Yamugo Rago Yves. Chose promise, chose due. Et nous sommes donc à la deuxième émission dans laquelle on va encore le voir dénoncer surtout les œuvres du diable et puis parler aussi des bienfaits. Parce que sa rencontre avec le Seigneur, c'est vraiment aussi merveilleux. La semaine dernière, il nous parlait des pratiques de mysticisme qu'il faisait. Nous avons terminé un peu avec ses pratiques. Nous allons nous enquérir de son côté santé. Alors, bonjour, homme de Dieu. Oui. Merci d'être là encore. Merci. Cette semaine. Amen. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu. Tout ça, c'est le Seigneur qui le fait. Ça, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y avait une maladie qui te fatiguait? Si. Tu sais, quand tu fais ce genre mystique, tu n'attendais pas à tout ça. Parce que si tu tues les poulets, tu vois les sangs humains, tu vois beaucoup de choses. Dans ton corps même, tous ceux qui font cela, dans leur corps même, ils ont une partie mal. Ah, c'est comme ça? Oui. D'autres même deviennent fous. D'autres même ne sont pas normales. Mais pour moi, je sentais une migraine dans ma tête. Et chaque fois, ça me fait mal beaucoup. Maintenant, un jour, je suis parti voir un médecin. Et quand il m'a consulté, ils disent que c'est un genre cancer. Qui vient à moi. Cancer de cerveau. Oui, cancer de cerveau. Donc, c'est ça. C'est ça. Ça t'a fatigué combien de temps? 5 ans, hein? 5 ans. 5 ans. Ils ont fait tout. Même aller au docteur, aller à l'hôpital, les médecins, dépenser de l'argent, je ne sais pas comment dire, mais ils n'ont pas trouvé la solution. Mais mystiquement, toi-même, tu n'as pas essayé de te guérir aussi? Mais quand il m'a dit que, quand c'est commencé migraine, j'ai commencé à faire tout, prendre l'âme, faire tout, ma tête, tout ça là pour chercher la santé. Mais ça ne me donnait pas la santé. Je suis parti voir le médecin. Ils ont fait tout aussi, ça ne donnait pas. La santé aussi. Oui, donc je suis venu. Ton pouvoir était un peu limité là. Oui, leur pouvoir était limité. Non, toi même ton pouvoir, pouvoir de mystique. Bon. Oui, voilà. Donc je continuais malgré que les gens venaient. Il y a des gens qui avaient ces cancers, tout ça là. Mais moi je disais que je peux les guérir. C'est comme ça. Chez nous, on ne peut pas dire non. Même si tu ne peux pas, tu ne peux pas dire, c'est interdit. Tu déplaces un peu le mal et puis... Voilà. Donc, comme je disais, quand c'est comme ça, tu te forces toi-même pour te dire que, bon, comme il est venu pour te voir, donc il faut que tu dises comme ça, comme ça. Donc, il y a une femme qui est arrivée avec son enfant. Quand ils sont arrivés, l'enfant même est presque mort. Donc, ils disent que, j'ai mon enfant qui est malade. Si tu peux m'aider. Mais je ne peux pas dire non. Mais malgré quand même je vois là, je vois qu'il est malade. Mais l'enfant avait quoi? L'enfant, c'était la sorcellerie. Voilà, c'était une dame qui l'avait attrapée. Bon, quand moi j'ai consulté, quand j'appelle l'âme de l'enfant et sa maman, ils ne viennent pas. Plus de 4 fois de reprise. Donc d'habitude, quand tu fais, ça vient. Oui, d'autres personnes, ça vient. Mais cette femme-là, vraiment, je ne sais pas. Donc, je suis sorti. Je l'ai appelé. Il dit, mais madame, toi, tu es où? Ils disent que lui, il est dans le village. Il dit, toi, tu viens d'arriver du village ou bien tu es dans le village? Ils disent que lui, il est dans le village. Mais tu es dans le village là. Est-ce que quand on fait le sacré là, au village là, est-ce que souvent toi, tu viens là-bas? Il dit, non. Il dit, mais pourquoi? Donc, toi, tu viens d'arriver. Bon, il faut rentrer. Quand il est rentré, je lui demande. Il dit, mais tu fais quoi dans la vie? Elle dit qu'elle fait Elle lave des habits, elle part porte à porte, elle lave les habits. Mm-hmm. Je dis non, c'est pas ça. Tu es quoi? Tu es catholique, tu es musulman, tu fais fétiche comme moi, ou bien tu es quoi? Et puis c'est ça, elle me dit que non, qu'elle est Alléluia. Je dis Alléluia, toi tu es Alléluia, et puis tu viens ici. Tu connais, je dis Alléluia. Moi, je n'aime pas les Alléluia, je les déteste. C'est comme ça. Ça dit les chrétiens évangéliques, quoi. Oui, oui. Mm-hmm. Donc c'est ça maintenant. J'ai dit que, mais si toi tu es Alléluia, pourquoi toi tu veux venir ici? Pourquoi tu fais ça là? Il dit non, comme l'enfant est malade. Il dit, mais c'est, voilà, maintenant là, c'est maintenant là, je vais consulter, je vais savoir. Je vais appeler les ancêtres, les parents, ils vont voir. Quand j'ai appelé mes ancêtres, les génies, ils ont dit que oui, que l'enfant là, c'est une dame qui l'a attrapé. Et cette femme là, elle a mis l'enfant là dans un trou. Et c'est ça maintenant, j'ai dit à la dame, il dit, maintenant comment on fait? L'enfant là, elle se trouve dans un trou. Il dit, mais elle, et puis elle a commencé à pleurer. Il dit, mais il ne faut pas pleurer ici. Donc, c'est ça maintenant. Moi, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, il faut partir à la maison. Demain, il faut revenir. C'est ça, elle est partie. Quand elle est partie, elle n'est pas partie à la maison. Elle est partie chez les Alléluia. Quand elle est arrivée chez les Alléluia, leur chef lui a dit, faut pas. Il a, comme elle a expliqué, leur chef lui a dit, faut plus aller là-bas. Il dit, non, mais comme l'enfant là ne mange plus, ne boit plus, l'enfant ne parle pas. Donc, il y a une dame qui m'a parlé d'aller chez le féticheur, chez Rago, que tu vas trouver la solution. Que, mais, et puis, le passé dit, non, moi, je t'avais dit de ne pas aller chez quelqu'un. Reste avec moi. C'est, le chef, c'est le pasteur. Oui, c'est un pasteur. Alléluia, c'est les chrétiens évangéliques. Voilà, c'est ce que vous compreniez. Oui, oui, notre temps, c'était comme ça. On les appelait les Alléluia. Voilà, notre temps, si tu es un mystique ou un féticheur, ou bien quelqu'un qui prie pas, on l'appelle Alléluia. Alléluia, c'est ceux qui font bruit là. Ils tapent les gimbés. La nuit qui dérange les gens là. Nous, on les appelle. L'éveiller. Alléluia, oui, oui. Au bout de là, on les appelle Alléluia. On ne connaît pas pasteur. Peut-être c'est maintenant, on appelle maintenant les pasteurs, Mais même présentement. On appelle Alléluia. On appelle Alléluia. Alléluia. Parce que quand elle parle un peu, c'est Alléluia. Un peu, c'est Alléluia. Nous, on ne les comprend pas. Maintenant, tu es devenu Alléluia. Maintenant, tu es devenu Alléluia. C'est-à-dire, si on va y revenir. Donc, le pasteur a dit de ne pas venir te consulter. Voilà. Donc, le lendemain, elle est venue. Quand elle est venue, moi, j'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, il faudra que tu saches que c'est moi qui dois prendre soin de toi. C'est moi qui dois faire que ton enfant-là gagne la santé. Tu dis quoi? Tu vas amener un mouton et puis un cabri. C'est ça, elle m'a dit, bon, qu'elle a compris. Mais elle va aller voir le chef de Alléluia. Il dit, mais ton chef, c'est moi. Alléluia, là, s'il pouvait, là, depuis là, ton enfant, là, il allait gagner la guérison. Mais moi, j'ai la solution de la santé de ton enfant. Viens, on va se voir. Là, il dit que non, qu'elle va repartir à la maison pour chercher l'argent, pour revenir. Il dit, il n'y a pas de problème. Quand il est parti, il expliquait ça le pasteur, l'air Alléluia, là, qu'on appelle le pasteur. Là. Et puis, l'air Alléluia, le chef dit, il ne faut pas qu'il va venir chez moi. Que désormais, si elle veut partir, de lui dire, lui va partir. C'est ça maintenant. Un jour, moi, je sortais. Quand je sortais, bon, un jour, c'est-à-dire le lendemain, quand je suis sorti, je voyais la dame et puis un monsieur qui était arrêté. Oh, tu ne savais pas que c'était le pasteur? Oui, oui, je ne savais pas que c'était l'air Alléluia, là. Le chef, là. Donc, quand j'ai vu la dame, j'ai dit, mais madame, toi, tu m'as dit tu vas venir. Moi, je t'attendais depuis 10 heures. Donc, tu ne venais pas, je suis sorti. Et quand je sortais, c'est Dieu qui a fait que je t'ai croisé. Mais c'est ton mari, non? Il dit non. Il dit, mais c'est qui? Il dit que, donc, que c'est le pasteur. Il dit, qui est le pasteur? Il dit non, que c'est Alléluia. Il dit, ah, et donc, c'est votre Alléluia, le chef là, comme ça. Il dit, le vieux là, il dit oui. D'accord. Il dit, mais allons, on va partir dans le trou là, en même temps, tu vas voir la solution de ton enfant. Il dit, il n'y a pas de problème. Et puis, il a dit ça, l'air Alléluia, le pasteur là. Et puis le pasteur lui dit, allons. Donc le pasteur aussi est parti avec nous. On était trois. Avec l'enfant, ça fait quatre. Quand on est arrivé, j'ai dit, écoutez la voix de l'enfant là. L'enfant là pleurait. Vous êtes allé avec le pasteur, et puis il y avait le trou. Et on entendait la voix de l'enfant à travers le trou est profond. Voilà, on attendait la voix du bébé. Maintenant, moi j'ai dit, l'air Alléluia de venir écouter. Et puis la femme aussi est venue écouter. Maintenant, moi, j'ai commencé à rentrer. Il dit, donnez-moi le bébé. Donc, quand le mois qui me donnait le bébé, il y a un blanc qui est sorti dans le trou là. Un homme blanc. Un homme blanc. Un homme même. pas imagination. Mm-hmm. C'était vrai. Mm-hmm. Donc, quand j'ai vu comme ça, moi j'ai précipité à sortir. Mais le alléluia et puis la dame là, mm-hmm, elle voyait pas cet homme là. Toi comme tu voyais que là tu as vu. Voilà. Puis moi j'étais dedans dans le trou. Mm-hmm. Quand il est sorti comme ça, elle voyait pas toujours. Mm-hmm. Mais comme j'ai fait, moi je suis parti derrière le pasteur. Mm-hmm. Quand je suis parti derrière le pasteur ne comprenait pas, mm-hmm, pourquoi je suis venu derrière lui. Mais à moi, j'avais un peur. Mm-hmm. Parce que ce que j'ai vu là me dépassait. C'est ça. Mais quand j'étais derrière lui, derrière le pasteur, moi j'ai vu, il a pris sa main, tend comme ça, sa main droite, tend vers le blanc. Mm-hmm. Quand il a tendu comme ça, le blanc est disparu. Mm-hmm. Et puis maintenant, moi j'ai dit que, mais tu as fait quoi? Et puis cet homme est parti pour me montrer le secret de ton pouvoir. Mm-hmm. Ça veut dire que toi tu as quelque chose que moi je veux. Auditeur, il faut encore suivre cette partie parce que c'est le début de sa rencontre avec le Seigneur Jésus. À force de poser des questions, parce qu'il était vraiment étonné que le pasteur, celui qui l'appelle Alléluia, puisse étendre simplement la main et que cet être blanc, cet être bizarre disparaisse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est le début de sa rencontre avec le Seigneur. Donc, le pasteur, je lui ai dit, il faut me montrer le secret. Il dit non, lui n'a rien à me dire. Je dis, mais si tu ne me montres pas là, je ne vais pas te laisser. Hein. Je m'en vais à la maison, mais bon, je vais venir chez toi. On se verra. Mm-hmm. Donc, le pasteur et la femme là sont partis. Quand ils sont partis, moi, je suis parti à la maison aussi. Je me suis parti préparer. À ce moment, dans mon sexe, c'est comme mon papa faisait. J'ai pris la bague. Mm-hmm. Parce que ça, quand tu as un ennemi comme ça, parce que alléluia, le pasteur, c'est mon ennemi. Tu le vois un peu plus fort que toi. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi lui, il a pu prend sa main, tend comme ça, et puis le blanc est parti comme alors ça. Alors que toi, tu fuyais. Oui, alors moi, lui, je fuyais. Lui, il a pris son courage et puis il a étendu la main. Voilà. Donc, il y a quelque chose en lui qui me dépasse. Mais moi, je veux savoir. Mais donc, moi, je me suis parti me préparer bien pour partir. Quand je suis arrivé chez lui, je lui ai demandé. Mm-hmm. Il dit, tu as quel pouvoir? Tu as quel pouvoir? C'est-à-dire, chez nous, on appelle ça pouvoir. Mm-hmm. Nous, on appelle ça pouvoir. Si tu as pu faire quelque chose comme ça, c'est un pouvoir. Donc, je lui ai demandé. Il ne me répond même pas. Il ne m'a pas dit comme ça, il ne me répond pas. Mm-hmm. Donc, je suis reparti. Il dit, la dame là, il dit, mais toi, je dois prier pour toi. Parce que nous aussi, on a des prières. Hein? Mm-hmm. On a des prières, des incarnations. Incantations, voilà, oui. Pour faire. Donc, tu as prié pour l'enfant. Non, mais quand on dit prier, moi, c'est faire des incarnations. Oui, je sais. Voilà. Mais je veux dire, tu as fait ça, effectivement. Tu as prié pour l'enfant. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand j'ai prié, j'ai commencé à prier, mm-hmm, l'enfant, j'ai pris l'enfant mis dans ma main et puis j'ai posé à terre. Mm-hmm. Quand j'ai commencé à toucher l'enfant, faire mes incarnations, l'enfant a commencé à devenir serpent. Le bébé qui était oui, humain là. Le bébé était serpent. Humain là. Mm-hmm. Est devenu serpent, vrai serpent. Mm. Alors que nous-mêmes, on a le pouvoir. Devant cette transformation là, le pasteur n'a pas fui, il était là. Non, le pasteur était là, sa femme était là, tout le monde était là. Tout le monde a vu et puis la même, dame aussi. Même la dame était là, sauf son mari qui n'était pas là. Mmh. Et personne n'a eu peur. Personne. Mmh. Mais moi-même, je n'ai pas eu peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, quand j'ai commencé comme ça, le pasteur est venu. Mmh. Cet homme, alléluia, quand il est arrivé, il commence à prier, élever sa voix, bruit. Mmh. Je dis, mais ici, là, ce n'est pas bruit. Toi, tu ne vois pas que l'enfant est devenu serpent. Toi-même, tu ne vois serpent là. Et puis, tu es là, tu fais chef, chef, chef, chef, chef, chef, chef, chef, chef, chef. Donc, quand il a commencé à faire ça, le serpent est rentré et sorti. L'enfant qui est devenu serpent, là, il est parti. Voilà, il est parti. Quand il est parti, moi, je me suis dit que, mais c'est quoi ça, là? Depuis que j'ai commencé le travail que je fais, je n'ai jamais vu ça, là. Mm-hmm. La première fois, il a étendu sa main, le blanc est parti. Oui, ça c'est. L'être blanc est parti. La deuxième fois, il prie. Il prie et puis le serpent est parti. Ça fait deux choses qui t'ont émerveillé. Oui, oui. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, d'accord. Je m'en vais et je reviens. Mm-hmm. Quand je suis revenu, comme j'avais incité le pasteur, il dit que tu es comme ça, tu es comme ça. Donc, je suis revenu. Chez nous, on ne peut pas venir dire pardon. Moi, je suis parti attraper son pied, le cheville. Mm-hmm. Voilà, le cheville veut dire humiliation, c'est-à-dire demander pardon. Pardon. Mm-hmm. Voilà, quand je suis parti derrière son cheville pour attraper, il m'a accueilli. Quand il m'a accueilli, il dit que qu'est-ce qu'il y a? Et puis j'ai expliqué, il dit non, je suis venu pour savoir le secret que tu as. Mm-hmm. C'est ça qui est important avec moi. Parce que moi aussi j'ai des secrets, je vais te découvrir, je vais te dire. Il dit que comme je suis un enfant, d'expliquer pour moi, parce que lui, il attendait mon nom depuis. Mais comme aujourd'hui, je suis chez lui et que je demande pardon, lui, il accepte le pardon. Mais moi aussi, d'expliquer pour moi, lui va expliquer pour lui. Et puis, tu lui as expliqué ça. Moi, j'ai expliqué tout. Comment j'ai fait pour avoir les barres, pouvoir, mon pouvoir, j'ai tout expliqué. Tout expliqué. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, lui aussi, il dit que lui va expliquer pour lui. Quel pouvoir lui a? Voilà, donc, il m'a dit que voici ce que lui a. Lui, il a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il dit, il faut répéter, je vais voir. Nom de ton papa, ancien parent, ou bien c'est comment? Il dit, non, le nom s'appelle Jésus de Nazareth. Il dit, mais ce Jésus-là, moi j'ai ça. J'ai ça. C'est faux, c'est pas ça, pasteur. Quand tu dis pas l'alléluia là, ils disent pas la vérité. C'est comme ça que j'ai commencé. Il dit, non, si moi j'accepte simplement comme ça, que moi-même je veux voir. Il dit, je ne peux pas accepter comme ça. Moi-même, je suis parti à 25 km pour prendre un canari. Quand on met 12 barriques d'eau, ça ne peut pas remplir. Tout ça. J'ai payé de l'argent pour aller prendre. Mais toi, tu dis, ton pouvoir là, c'est Jésus seulement. C'est Jésus simplement comme ça. Je ne peux pas accepter ça. Donc, il y a eu ça. Une discussion de vous. Oui, oui. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je suis reparti. Parce que quand on a eu une discussion comme ça, mon corps était choqué. Donc, je suis reparti à la maison. Quand je suis reparti à la maison, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui me dit, il faut repartir là-bas. Mais à ce moment, ma tête a commencé à gonfler. Et puis, le migraine, ça s'est revenu. C'est revenu, comme le médecin avait dit là. Donc, quand c'est comme ça, la nuit, je ne peux pas dormir. Donc, je suis reparti là-bas. Je suis reparti vers les 18h. Quand je suis arrivé, il était là, sa femme était là. Ils étaient deux seulement dans leur maison. Il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Mais il y avait l'église même dans la maison. Donc, quand je suis arrivé maintenant, je lui ai dit, aujourd'hui là, je suis venu pour accepter celui que tu dis que Jésus là. Je veux le croiser aujourd'hui. C'est ça, il dit que de s'agenouiller, que lui va prier pour moi. Et puis je me suis s'agenouillé et puis il dit de répéter ce que lui va dire. Il dit, il n'y a pas de problème. Je me suis s'agenouillé. Quand il a commencé à mettre sa main sur ma tête, on dirait, c'est l'eau glacée qu'il a mis. Ma tête, il commençait à enfler. Il fait mal. Me faisait mal. Et s'arrêtait sous place. Je n'ai plus senti le douleur jusqu'à le soir. Ça aussi, ça t'a plu? Ça m'a plu. Ça fait trois. C'est trois signes que j'ai vus. C'est ça. Premièrement, la main de blanc. Et quand je suis arrivé, il a prié. Et puis le serpent est parti. Un homme qui devient serpent. Et puis il est parti. Ah, ça c'est autre chose. Et puis quand il a prié sur ma tête, la guérison, j'ai vu que aussi. J'ai gagné la santé. C'est cela. Donc je me suis dit que je ne vais plus partir là où je suis. Chez moi, chez mon papa. Au village, dans ma maison. Donc, je ne sais pas. Tu es resté chez le pasteur combien de temps? Sept jours. Sept jours. Oui, une semaine. Maintenant, huitième, que, ils ont dit ça, le village a dit que je suis chez le Alléluia. Donc, le papa a attendu. Et puis, le papa est venu dire que quand il est arrivé, il a vu la femme du pasteur. Il ne m'a même pas vu, il n'a pas vu le pasteur. Donc, il a demandé qu'il y a son enfant ici. Que si vous ne laissez pas mon enfant là, pourquoi qu'est-ce que vous avez fait et puis mon enfant ici? Donc, si vous ne laissez pas mon enfant, je vais vous tuer. Je ne vais pas vous laisser. Hein. Quand il est parti, il a amené la foudre, le tonnerre, cinq fois. Contre le pasteur. Contre le pasteur et sa femme. Moi-même, j'étais dedans. Il m'avait donné une petite maisonnette là. Alors qu'au moment qu'il pleuvait, malgré que j'étais chez le pasteur, quand il pleut comme ça, moi-même, je suis dehors. Donc, quand ton père attaquait le pasteur, toi, tu voyais? Moi, je voyais ça. Je voyais le tonnerre même. Et la puis, foudre là. Malgré ça, ça n'arrivait cinq pas fois, à atteindre. Il a amené la première fois. Moi-même, je savais que c'est mon papa. C'était à cause de moi qu'il voulait faire comme ça le pasteur. Donc, quand j'ai attendu le bruit du tonnerre, je suis sorti. Et puis, j'ai vu ça. Première fois, il a envoyé. Deuxième fois, il a amené. Troisième fois, c'est ça, cinq fois. Le pasteur même, et puis sa femme dormait même tranquillement, sans problème, ils n'ont rien senti. Et puis maintenant, lui-même, il est venu en personne. Quand il est venu, il a trouvé le pasteur et sa femme, plus ou moins. Et puis la femme du pasteur amenait de l'eau avec calebasse. Quand un étranger vient chez toi, on lui donne de l'eau. Quand il a donné l'eau, mon papa a pris son doigt. Et puis il a plongé dans l'eau. Moi-même, je suivais ça parce que c'est son habitude. Je connaissais mon papa. Donc, quand il a plongé, en temps normal, il devait boire l'eau. Il n'a pas bu. Il a retourné dire que chez eux, que quand quelqu'un donne l'eau, on lui retourne pour que la personne goûte l'eau là avant que lui. Alors que c'était faux. Oh, il a empoisonné l'eau. Il a empoisonné l'eau pour donner à la femme du pasteur. Mm-hmm. Quand la femme du pasteur a pris, il a bu et puis il a donné à son mari. Mm-hmm. Et puis, en principe, là, quand tu bois comme ça, tu dois mourir en même temps devant le père. Mm-hmm. Mais le pasteur n'est pas. Le pasteur était toujours en vie. Sa femme aussi. Voilà. Donc ça aussi, c'est encore un remarque si pour moi. Voir que le pouvoir du pasteur voilà. était plus fort voilà. que ce que tu as. Quand le papa est parti, mm-hmm. ça ne m'a pas donné le courage de repartir. Parce que moi, j'ai vu que ce que le pouvoir du pasteur là, est plus fort que pour moi et pour mon papa. C'est cela. Et puis maintenant, comme ça durait, le pasteur dire que un jour, il a commencé maintenant à faire ma délivrance. Mm-hmm. Quand il a commencé à faire, j'ai vomi, mm-hmm. j'ai chié même, mm-hmm. j'ai chié des barres. Mm-hmm. Donc, quand tu bois les nasji, voilà, donc tu es poisonné dedans, mm-hmm. mais tu ne sais pas. Donc, quand il a commencé à prier, j'ai senti des vomissements, j'ai vomi même, j'ai mm-hmm. vomi des cafards, j'ai vomi des trucs vivants mm-hmm. et des barres même. Voilà, les mystiques là. C'est après la cuie d'âme qu'il a prié pour toi, oui, il a fait ta délivrance. Bon, je peux dire c'est cuie d'âme parce qu'il a pris parlé avec toi. Mm-hmm. Entretien. Avec moi, de 2 heures qu'il a prié avec moi. Mm-hmm. Après encore, il a prié. Lui et puis sa femme, ils ont prié. Je suis tombé, puissé même. J'ai puissé, chié, tout ça. Mm-hmm. Oui. Après ça, maintenant, il a commencé à t'enseigner. Voilà, à m'enseigner, à me montrer que c'est comme ça, comme ça. Donc, comme ça fait comme ça, et puis maintenant, il me dit mm-hmm. d'aller à la maison chercher les fétiches que j'avais et j'adorais. Mm-hmm. Je dis non, je ne peux pas aller. Si tu veux, on va partir ensemble. C'est ça, il dit qu'aujourd'hui, là, comme ton papa est en colère, il faut attendre un peu. Mm-hmm. Attendre un peu, là, le moment qu'on est parti, moi et puis là, on est parti. Quand on est arrivé, il se trouvait que papa a enlevé d'autres fétiches, il est parti avec. Mm-hmm. Maintenant, lui-même, il est rentré. Moi, je ne suis pas rentré dedans. Le pasteur même est rentré là-bas. C'est le pasteur qui est rentré. C'était la nuit, mais c'était quand? C'était la nuit. Mm-hmm. C'était la nuit. C'était la nuit vers les 20h. Mm-hmm. Quand le pasteur est rentré, en temps normal, si tu rentres dans ma maison, là, Si c'est pour aller enlever les fétiches là, la porte se ferme seule. Et puis tu peux mourir là-bas. Oui, tu restes là-bas. Tant que moi je ne viens pas toucher quelque chose, tu ne peux pas. Mais moi, pour savoir le secret de ce pasteur là, malgré qu'il m'a enseigné, il m'a délivré là, je doutais toujours mm-hmm. de lui. Et c'est cette signe là, j'ai dit qu'à partir de ça là, c'est ça que je vais savoir si vraiment lui là, son alléluia, c'est vivant que pour moi. Mm-hmm. Donc maintenant. Je suis là, j'étais à 100 mètres comme ça. J'attendais s'il va sortir ou pas. Parce qu'il est rentré là-bas. Il est rentré. S'il est rentré, la porte est fermée. Mm-hmm. Il n'y a pas d'autre fenêtre. Tout est fermé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai vu le pasteur venir avec des sacs, avec des trucs dans sa main. Il dit, hé, pasteur, où tu as vu ça là? Mm-hmm. Il dit, que mais dans ta maison. Il dit, mais la porte n'est pas fermée. Il dit, non. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, ok, allons. Tu étais étonné qu'ils sortent vivants et puis tu as attrapé tes fétiches. Voilà. Ça. Donc, en arrivant à la maison, mm-hmm. il dit, il va brûler. Il dit, attends, on ne brûle pas comme ça. Il faut laisser demain, on va voir. Alors que c'était pour fouiller, voir si lui-même n'a pas enlevé d'autres choses. Pour cacher. Mm-hmm. Donc, à midi, bon, c'est-à-dire matin, ils sont partis en bourse, me laisser à la maison. Donc, moi, je suis rentré dans les chambres, fouiller, voir. Je n'ai rien vu. Mm-hmm. Donc, à midi, mm-hmm. il est arrivé. Quand il est arrivé, il me dit que je suis satisfait. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, il va brûler. Il dit, attends, il y a Canary ici. Canary, là, même si tu veux, on peut faire expérience. Si tu payes 12 barriques d'eau, tu mets dans cette petite Canary, là. C'est petit comme ça. Si tu mets, ça ne peut pas remplir. Mm-hmm. Et puis, il dit, c'est faux. Il dit, oui, sa femme est allée amener barriques, là. Ils ont un pouce-pouce. Chez nous, là, ils ont rempli, ça passe. Zéro, rien même. Donc, puisque quand Julie a dit ça, il dit que c'est faux, ils ont amené l'eau. Ils ont fait ça. Moi, il dit, mais on ne peut pas. N'appelons pas mettre allumettes dans les fétiches là. Mm-hmm. Quand tu mets allumettes sur moi, tu deviens fou. Ou bien tu deviens aveugle. Il dit non, qu'au nom de Jésus, tout va brûler. D'accord, il n'y a pas de problème. Et puis, il a fait sortir ça. Et puis, il m'a appelé. Et puis, il a appelé sa femme. Et puis, nous, on était arrêtés. Et puis, il dit d'amener pétrole. Mm-hmm. Et puis, quand il a mis pétrole, tout a brûlé. Ça a pris feu. Et puis rien ne lui est arrivé. Rien même. Et puis ça t'a étonné encore. Ça m'a étonné. Oui. C'est à partir de ce jour-là, je suis donné ma vie totalement. Le premier là, c'était c'était essayer de voir. Voilà, c'est à partir de ce jour-là. qu'il a donné totalement voilà. sa vie. Et quand lui-même c'était, c'était, c'était en quelle année? C'est 1994. D'accord, 1994, voilà. qu'il a donné sa vie à Jésus. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qui a changé? Parce que j'ai eu la santé. Mm-hmm. On rappelle que tu avais la migraine, voilà. c'était un cancer de cerveau. Voilà, de 5 ans. De 5 ans, ça a duré 5 ans. Voilà. Aujourd'hui, tu es totalement guéri. Voilà. C'est sûr. Sûr. D'accord. Qu'est-ce qui a changé encore? Et encore, puisque avant ça, je faisais des rêves. Je ne pouvais pas dormir. Quand tu fais des trucs mystiques comme ça, des cauchemars, tu ne dors pas. Tu fais des cauchemars. Oui, tu dors. Tu ne peux pas dormir. Mm-hmm. Si tu dors, l'ennemi peut venir t'avoir. C'est ça. Mais depuis que... Puisque quand je me suis donné ma vie, ce jour-là, il m'a fait baptiser. Mm-hmm. Il m'a amené dans un marigot, plongé dedans. C'était lui et puis sa femme. Mm-hmm. Et puis quand je suis venu, je suis totalement, je ne vais plus, j'ai bien dormi. T'as bien dormi. Voilà, donc c'est, j'ai vu beaucoup de changements dans ma vie. Et puis lui-même, il a commencé à m'enseigner, montrer mm-hmm. la parole de Dieu dans sa chambre, dans le lit conjugal. Il me fait s'asseoir là-bas et puis les deux s'assoient par terre. Et puis il dit que lui veut que demain, moi je viens être comme lui. Comme lui. Voilà. Mmh. Donc c'est vraiment ton père spirituel. Voilà, on peut dire quand même son nom. Oui, oui. Il s'appelle Pinoira Michel. Mmh, c'est le pasteur. Oui, oui. Aujourd'hui, il est décédé, mais sa femme est là, ses fils sont là. Mmh. S'ils attendent ce mission, bon, ils savent que c'est leur fils qui est en train de parler comme ça. Mais après ça, je suis parti chez le pasteur Karam. C'est le pasteur Karam. Mais quand après ça, Dieu m'a utilisé, et puis, pasteur Karam, il y a des femmes qui sont parties parler de moi. Au pasteur Karambiri, et puis pasteur Karambiri m'a fait l'appel sur mon portable. J'ai pris, il dit que lui s'appelle pasteur Karambiri, que lui il attendait mon nom, il veut que de venir, il va me voir, que parce que j'exerce, mais connaisse pas très bien la parole. Mm-hmm. Donc quand je suis parti, il m'a pris vraiment, il m'a accueilli comme son fils, et puis il m'a enseigné la parole de Dieu, beaucoup, 4 ans, et puis il a prié pour moi, me délivrer carrément. Je suis resté chez lui aussi, mm-hmm. pendant 4 ans. C'est ça. Il t'a formé. C'est comme un institut de théologie. C'est ça. Puisque lui-même l'enseigne très bien. Voilà. Voilà. On ne peut pas tout dire dans un témoignage. On a dit l'essentiel. Le pasteur Yamego Rago Yves, que nous avons reçu, a dit un peu l'essentiel de sa vie. Et puis, c'est ce que les auditeurs vont retenir. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.